Le corps des pèlerins aux anciens théâtres de combat révolutionnaires du district de Bektou des propagandistes du parti a déposé le 5 courant les bouquets de fleurs devant la statue en bronze du président Kim Il-sung érigée au bord de la rivière Karim et formulé l'hommage avant de faire le tour de l'ancien champ de bataille de Batombo. Le même jour, à Samdiyun, les pèlerins ont prêté devant la statue en bronze du général Kim Jong-il érigée à l'arrondissement de Samdiyun le serment d'être toujours fidèle à la grande cause du Bektou, suivant le dirigeant suprême Kim Jong-un, avant de visiter l'arrondissement.